Pourquoi la CGT encourageait-elle le sabotage au début du XXe siècle? Le sabotage a été clairement désigné comme un moyen de lutte syndicale lors du 3e congrès de la CGT en 1897. Émile Pouget, qui avait été contraint de s'exiler à Londres en 1894-95 après la répression du mouvement anarchiste, fut l'un des principaux partisans de cette forme d'action. En Angleterre, les ouvriers avaient adopté la tactique qu'on appelait le « go Kenny ». Cette expression écossaise était employée en application du principe « à mauvaise paye, mauvais travail ». Elle incitait les salariés à ne pas trop en faire, à ne pas se fouler la rate, dirait-on aujourd'hui en bon français. Pouget s'en fit le promoteur au sein de la CGT dès son retour en France. Sa proposition fut largement admise par un syndicat qui était alors fortement influencé par ce qu'on appelait l'anarcho-syndicalisme. Loin d'être une organisation de masse, la CGT ne comptait guère plus de 100 000 adhérents à cette époque. Parmi les premières actions syndicales menées dans ce cadre, on peut citer des destructions ou badigeonnages de vitrines, la démolition ou le blocage de quelques installations industrielles. Néanmoins, ces actes restèrent ponctuels et marginaux car ils suscitaient une forte réprobation, y compris au sein du mouvement ouvrier. En 1909, la grève des postiers contre la modification des règles d'avancement marqua un premier tournant dans l'histoire du sabotage car les grévistes réalisèrent à ce moment-là que cela pouvait être un moyen de paralyser l'État de l'intérieur. Dans une société où les liaisons à distance jouaient un rôle de plus en plus important, saboter ces connexions fut présenté comme un acte révolutionnaire. Les actions les plus spectaculaires menées dans cette perspective consistaient à sectionner des fils électriques, à faire disparaître des câbles, à scier des poteaux. La première grève des postiers fut néanmoins un échec en raison de la fermeté du gouvernement qui n'hésita pas à révoquer 800 d'entre eux. Mais cette intransigeance eut aussi pour effet la multiplication des actes de sabotage. Cette forme de protestation sembla alors plus efficace que la grève, puisque la plupart des postiers qui avaient été licenciés furent finalement réintégrés. Le paroxysme du sabotage comme mode d'action syndicale eut lieu lorsqu'éclata la célèbre grève des chemins de fer d'octobre 1910. Dans son journal, intitulé « La guerre sociale », Émile Pouget avait lancé une grande campagne en faveur de ce qu'il appelait « Mamselle Cisaille ». Les actes de sabotage devinrent alors beaucoup plus nombreux, puisqu'entre octobre 1910 et juin 1911, la police en dénombra plus de 2900. Mais le 29 juin 1911, le déraillement d'un train circulant sur la ligne Le Havre-Paris, consécutif à un sabotage, choqua profondément l'opinion, malgré l'absence de victimes. Les commentateurs attitrés dénoncèrent alors ce mode d'action comme un retour à la sauvagerie des premiers âges. À la veille de la Première Guerre mondiale, les militants pacifistes de la CGT proposèrent à nouveau le recours au sabotage pour entraver la mobilisation. Mais le 4 août 1914, le ralliement de la gauche à l'Union sacrée mit fin, provisoirement, à cette forme de lutte.